Chapitre 4. Les 2 années qui suivirent ont été les plus heureuses de ma vie. Une concorde parfaite régnait dans notre famille. Tout le monde, et même ma sœur Henriette et mon beau-frère Caius Schweitzer, qui était revenu à Paris, mais qui faisait ménage à part, obéissaient à ma mère, dont tous les ordres n'avaient pour but que notre propre bonheur. Je passais la journée chez M. Plotin ou dans les bibliothèques publiques, faisant des recherches pour le grand homme, écoutant avec un pieux respect toute parole qui tombait de sa bouche célèbre et remerciant le ciel de m'avoir donné un tel maître. Après 18 mois de relations plus familières, ce respect commença cependant à diminuer. Je m'aperçus que le grand homme, semblable en ce point à plusieurs de ses confrères, avait sa bonne part des faiblesses humaines. Je devinai l'empire qu'exerçait sur lui une vieille femme assez laide et très acariâtre, qu'il avait sans doute connu au premier jour de l'étincelante jeunesse, et je reconnus plus d'une fois à mes dépens que l'humeur du grand homme n'était qu'un reflet de celle de Madame Corbin du Ribeau, ainsi se nommait la vieille dame. Ce n'était rien encore, car je trouvais 1000 prétextes pour m'éloigner aussitôt qu'elle paraissait à l'horizon, mais j'eus bientôt des sujets de plainte plus sérieux. Tout grand homme qu'il était, beau génie, éloquent écrivain, bien vu des duchesses, et membre de 3 sections de l'Institut, M. Plotin ne dédaignait pas de s'approprier mes propres idées, mais je dois reconnaître qu'il ne manquait jamais de les habiller de son style pompeux, régulier et sonore comme une période de Bossuet. La première fois que je m'aperçus de l'honneur qu'il me faisait, j'en conçus, comme on peut se l'imaginer, un légitime orgueil. Grâce à la réputation du grand homme, je voyais mes conjectures sur l'émigration des Mongols et des habitants de la Transoxiane devenir la proie de toute l'Europe savante. L'Iran et le Touran n'avaient plus de secret pour moi. J'avais cru deviner le sens de tous les symboles. Je déchiffrais à livre ouvert tous les mystères de la théologie persane. Les docteurs allemands, confondus, élevaient en vain la voix contre mon système. Les Anglais et les Italiens reconnaissaient la vraisemblance et la profondeur de mes explications. Je me voyais déjà montant les premiers échelons de la renommée, car je ne doutais pas que le grand homme, aussi généreux ou, pour mieux dire, aussi équitable que grand, ne rendît pleinement justice à mes efforts et ne déclara, au moins dans sa préface, la part que j'avais dans sa gloire, et déjà je faisais part à ma mère et alors de mes ambitieuses espérances. Naturellement, ni l'une ni l'autre ne doutait que je dusse être appelé aux plus hautes destinées. Et comment en aurait-elle douté? N'étais-je pas leur unique ami, défenseur, appui, soutien en ce monde? Car le pauvre Schweitzer, avec l'âme la meilleure et la plus délicate qu'on pût rencontrer, était affligé d'une faiblesse de caractère qui le mettait à la discrétion de tous ses amis. Ma sœur Henriette, qui l'aimait tendrement, sentait pourtant cette faiblesse et se voyait avec douleur obligée de lui donner du courage quand elle aurait dû en recevoir de lui. Du reste, nous n'avions aucun secret les uns pour les autres. La pauvreté qui a tant d'inconvénients de toute espèce a du moins ce grand avantage qu'elle redouble l'intimité de ceux qui s'aiment. Quand on vit dans un espace resserré, il faut se haïr ou s'adorer. Tous les soirs, dès que je revenais à la maison, je me délassais un instant à raconter à ma mère et alors les études de la journée. J'interrogeais Laure à son tour, car ma mère, qui ne comptait pas beaucoup sur la musique et la peinture, avait voulu que sa fille adoptive obtînt le brevet d'institutrice. « Tu profiteras de ta science pour vivre et n'être à la discrétion de personne, » disait-elle souvent, « et si tu dois être riche, tu pourras faire toi-même l'éducation de tes enfants. Dans tous les cas, le temps qu'on emploie à étudier et à réfléchir n'est jamais perdu. » Une partie de la soirée se passait donc à étudier en commun et à lire les œuvres des plus grands écrivains de tous les temps. J'étais heureux de faire la lecture moi-même et de répondre à toutes les questions que suggérait alors son esprit curieux et avide de connaître. Souvent, ma mère, qui avait eu une voix magnifique et qui lisait à livre ouvert la musique la plus difficile, nous chantait quelques morceaux d'opéra, et Laure, s'asseyant au piano, l'accompagnait. Puis Laure chantait à son tour, accompagnée par ma mère. Moi, pendant ce temps, mollement étendu dans un fauteuil, au coin de la cheminée en hiver, au coin de la fenêtre en été, je rêvais délicieusement au bonheur présent et au bonheur à venir. 3 fois par semaine, Caius et Henriette venaient passer la soirée avec nous et prendre leur part de ce bonheur tranquille. À 10 heures du soir, j'allumais ma bougie, j'embrassais tout le monde, et j'allais travailler jusqu'à 2 heures du matin dans ma mansarde. Ce travail-là n'était que pour moi et je n'en donnais aucune part à Monsieur Plotin. Pendant ces 4 heures, j'avais trouvé moyen de me faire recevoir docteur ès lettres, de traduire 3 ou 4 auteurs latins et grecs pour un éditeur du quartier latin, et d'ajouter ainsi aux libéralités du grand homme 2 ou 3 000 francs par an. Grâce à ce supplément, nos affaires n'étaient pas trop mauvaises. Et si ma mère, parmi tant de belles qualités, n'avait eu le défaut de ne faire aucun cas de l'argent, et de le jeter au hasard pour la première fantaisie artistique qui lui venait à l'esprit, notre vie aurait été aussi exempte d'inquiétude que celle des 7 sages de la Grèce. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'aucun de nous, je crois, ne se demandait quel serait le terme d'une vie si douce et si prospère. Il nous semblait que nous avions toujours vécu, et que nous devions toujours vivre ainsi sans que rien pût nous séparer. Moi-même, après les vers que m'avait inspirés la première vue de l'or, j'avais laissé sommeiller ma muse, et quoique j'aimasse l'or passionnément, on aurait dit avoir nos manières si familières, si intimes, si affectueuses et pour tout dire si fraternelles, que nous étions vraiment frères et sœurs. Ce phénomène n'étonnera pas sans doute ceux qui connaissent l'influence d'une vie laborieuse, paisible et régulière. Un accident que nous n'avions jamais prévu, et qu'il était cependant facile de prévoir, troubla tout à coup notre tranquillité et révéla à Laure et à moi nos propres sentiments. Un matin, par grand hasard, je fus invité à déjeuner par M. Plotin. C'était, je crois, la première fois depuis 3 ans que j'avais l'honneur de travailler sous sa direction. Le grand homme, comme je l'ai déjà dit, n'était pas prodigue et, suivant l'expression favorite de Mme Corbin du Riveau, sa sultane favorite, n'attachait pas ses chiens avec des saucisses. Ce jour-là, cependant, soit qu'il fût plus particulièrement content de mon travail, soit qu'il fût en veine de générosité, soit quelque dessein secret pour lequel il avait besoin de moi, il m'invita solennellement à déjeuner dès la veille au soir. Assez étonné de cette politesse extraordinaire, j'arrivai à l'heure dite. Nous commençâmes notre travail habituel, qui consistait pour moi à rendre compte des livres que j'avais analysés la veille, à écouter ses observations et sa critique, et à noter les recherches ou les traductions que je devais faire. Enfin, midi sonna, et la servante apporta le déjeuner dans le cabinet de travail du maître. Certes, j'étais loin de m'attendre à un déjeuner somptueux, mais mes prévisions furent dépassées. 2 paires de saucisses grillées et 1 plat de pommes de terre frites, voilà ce que j'avais à partager avec ce grand homme. À cette vue, il se frotta les mains d'un air de satisfaction. « Lucullus dîne ce matin chez Lucullus, » dit-il en m'offrant des saucisses. « C'est pour vous, mon cher ami, qu'on a fait des pommes de terre frites. » J'avais grande envie de rire de tant de magnificence, mais la crainte de l'offenser et la curiosité d'apprendre ce que promettait un tel début me firent garder mon sérieux. Et je répondis assez jésuitiquement que depuis 3 ans je n'avais jamais mieux déjeuné. C'était vrai, car la chair était médiocre chez ma mère, mais aussi n'avions-nous pas 80 000 livres de rente. Quant au vin, qui était au-dessous de tout, je le mélangeai d'abord avec une grande quantité d'eau, ce qui n'en corrigea pas l'aigreur, et enfin, je laissai franchement la bouteille et vidai entièrement la carafe. « Est-ce que mon vin n'est pas bon ?» demanda le grand homme qui m'observait du coin de l'œil. « Je n'aime pas le vin, » lui dis-je. Autre réponse jésuitique, car je sous-entendais à la manière d'Escobar et de Sanchez, quand il est aigre. Mais il se contenta de cette réponse, ou feignit de s'en contenter, car il savait sans doute aussi bien que moi à quoi s'en tenir sur son vin et ses pommes de terre frites, et peut-être voulait-il m'ôter l'envie, si je l'avais jamais eue, de déjeuner chez lui. Or ça, me dit-il tout à coup, en repoussant son assiette, savez-vous, mon cher ami, ce que la Quarterly Review a dit dans son dernier numéro de l'origine et des croyances des races humaines? Je n'ai rien lu encore. Ah, eh bien, moi j'ai reçu hier un exemplaire de la Quarterly Review, mais je n'ai pu déchiffrer ce grimoire anglais et je vous attendais. Lisez-moi cela, je vous prie. Ce ne fut pas une heureuse inspiration, car le rédacteur de la Quarterly Review, qui était sans doute un austère et savant docteur de l'université d'Oxford ou de Cambridge, ou un membre bien renté de l'église anglicane, avait trouvé fort mauvais que M. Plotin prit la liberté de suggérer une solution hérétique de la question des races humaines. Et comme orthodoxe, il se croyait obligé à déclarer franchement qu'une telle hérésie, je veux dire la pluralité des races humaines, frisait de près l'athéisme, la polygamie, la débauche, le vol, le viol, l'assassinat et tous les cas pendables. Au dire du même docteur, supposé qu'Adam ne fût pas le père commun de tous les hommes, des blancs, des rouges, des nègres, des jaunes, des sensés, des insensés, des borgnes, des aveugles, des bossus, des bancals, des Français, des Anglais, des Allemands, des Russes, des Italiens, des Grecs, des Turcs, des Touaregs, des Botocudos, des Berbères, des Guaranis, des Iroquois, des Illinois, des Natchez, des Apaches, des Patagons, des Mongols, des Tongouses, des Kirghizes, des Tartares de toute espèce, des Persans, des Afghans, des Cingalais, des Hindous et des Chinois. Supposer, dis-je, une pareille chose était une marque de folie, sinon de scélératesse, et une telle pensée n'avait pu germer que dans la cervelle d'un Français, c'est-à-dire dans une cervelle vaniteuse, évaporée, sensuelle et criminelle. Voilà, continua le digne homme dans sa péroraison, voilà le fruit des efforts qu'au siècle dernier des écrivains aussi dénués de bonne foi que de bon sens et de science que d'honnêteté, Voltaire, Diderot, Montesquieu, ont fait pour empoisonner les âmes, pour avilir les cœurs et pour faire de l'homme, cette splendide image de Dieu, une brute infecte et odieuse. C'est en disant publiquement, c'est en imprimant dans leurs livres infâmes de pareilles turpitudes, qu'ils ont attiré sur l'Europe entière les justes châtiments et les fléaux que la Providence nous a fait subir vers la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci. Ce qui étonnait plus le savant docteur, c'est qu'une idée aussi subversive de la Bible et de tout ordre social pût être publiée par un homme qui devait occuper un rang si élevé dans la science et dans la société française. Car enfin, M. Plotin n'était pas le premier venu, cherchant à se faire une réputation au moyen d'un scandale éclatant. Il avait été professeur au Collège de France, conseiller d'État, ministre. Il était encore député au corps législatif. Il s'était rallié avec sagesse et bon sens à tous les gouvernements qui avaient fait tour à tour depuis 30 ans le bonheur de la France. On pouvait même affirmer que si quelque nouvelle dynastie se présentait pour remplacer les anciennes, il serait heureux de lui offrir son concours et d'émarger son traitement. Comment donc un tel homme pouvait-il devenir complice d'un tel crime? C'est ce qu'on ne pouvait, au dire de l'austère docteur, expliquer que par une aberration particulière au peuple français, qui le porte à ébranler soir et matin les colonnes du temple, sans savoir s'il ne sera pas écrasé sous ses ruines. Quand la lecture de l'article fut terminée, « Eh bien, dit le grand homme en souriant, que pensez-vous de cela, Gaston Phoebus ?»« Voilà, répondis-je, un Anglais qui n'est pas poli, et je crois que si vous étiez pendu depuis 2 minutes, ce n'est pas lui qui couperait la corde pour vous rappeler à la vie. » « Gaston Phoebus, mon ami, répliqua le grand homme, vous êtes un enfant. » La diatribe de ce docteur orthodoxe nous servira autant que pour le faire l'éloge le plus pompeux. J'acquiers à peu de frais la réputation de libéral, de révolutionnaire, d'ennemi du trône et de l'autel, cela me suffit. 20 journalistes anglais qui n'ont pas lu un mot de mon livre vont crier après moi comme une meute de chiens galeux. Ce tapage aura son écho en France. Et je passerai sans peine pour un grand citoyen, car vous le savez, Gaston Phoebus, mon ami, ou si vous ne le savez pas, l'expérience vous l'apprendra. Il suffit de crier au loup quand on voit passer un prêtre pour devenir populaire en France. On ne vous demande plus si vous avez tort ou raison, si vous êtes pour ou contre la liberté. Vous attaquez le clergé, cela suffit. Les évêques vont crier contre moi, quelle fortune! Je vois d'ici leur mandement. Je serai comparé à l'impie Acab, à Dathan, aux adorateurs du veau d'or, à tous les coquins dont la Bible a parlé, et Dieu sait si le livre saint fourmille de coquins de toute espèce. On demandera ma destitution. Le gouvernement se fera honneur de la refuser, parce qu'il est souvent question, dans les mandements de nos seigneurs les évêques, du roi Hérode et de l'empereur Sennachérib. L'opposition, qui est composée de bonnes gens qu'on amuse avec des mots et qui vont rarement au fond des choses, prendra mon parti avec vigueur, et pendant 3 mois, on se livrera bataille sur mon dos. Mais c'est moi qui emporterai le butin. Je garderai mes places et même mon mandat de député au corps législatif. Je serai en faveur auprès du peuple, et je ne me brouillerai pas avec le prince. J'écoutais avec étonnement cette profession de foi. Il s'en aperçut et me dit « Mon cher ami, c'est la maxime des sages, avoir un pied dans l'un et l'autre camp. C'est le fou qui sème le blé, c'est le sage qui le récolte et le met dans son grenier. Qu'est-ce que l'homme? Une des forces de la nature. Qu'est-ce que Dieu? La résultante, ou, si vous voulez, le point d'intersection de toutes les forces de la nature. L'homme est donc une partie de Dieu. Croyez-vous à un Dieu vivant, personnel, sachant, aimant et pouvant tout? D'où viendrait-il, ce Dieu? S'il a créé le monde, comme le disent les imbéciles, qui l'a créé lui? Car enfin, si Dieu peut naître du hasard, à plus forte raison, le monde qui est moins beau, moins parfait, moins puissant, toujours suivant le dire des théologiens, peut-il avoir la même origine? Gastrophébus, mon cher ami, ne nous payons pas de chimères. La vie à venir est une belle chose et une invention sublime. Elle n'a qu'un seul défaut, celui de ne pas exister. Pensons donc au présent et non à l'avenir. Laissons la vie éternelle à ceux qui ont besoin de cette espérance ou de cette crainte pour marcher droit dans ce monde où nous devons vivre si peu d'années. Souvenez-vous du mot de Hegel rapporté par Henry Heine. « Quoi ? » disait-il. « Avez-vous besoin qu'on vous offre une récompense dans le ciel pour ne pas succomber à la tentation de tuer sur la terre monsieur votre père et madame votre mère ?» Si les quelques scélérats qui ne soient préservés du crime que par la crainte du bourreau céleste, laissez-lui cette crainte salutaire. Mais vous, Gaston Phébus, et moi, et tous ceux qui raisonnent et qui réfléchissent et qui ne sont pas abandonnés à la fureur des sens, vivons en paix, ici-bas, et sans viser à l'héroïsme qui n'est qu'une folie sublime. Arranger commodément son nid, le tapisser d'un duvet moelleux, ne faire de mal à personne, ce qui est aussi dangereux que coupable. Ne choquer sans profit aucune opinion établie, vivre en paix avec tout le monde, être l'ami des grands seigneurs, se mettre à l'abri de la misère, voilà la règle de conduite que tout homme sensé doit se proposer de suivre. Lisez l'histoire, que voyez-vous? Que tous ceux qui ont aspiré plus haut ont eu une fin misérable. Socrate, qui n'était pourtant pas un niais, a bu la ciguë. Jésus-Christ, qui est certainement, toute querelle religieuse à part, l'âme la plus extraordinaire dont on ait gardé le souvenir, Jésus-Christ a été mis sur la croix. Saint Paul en a eu la tête coupée. Jean Hus a été grillé comme un beefsteak. Rousseau a vu de près la Bastille et a erré longtemps sur la terre. Descartes, à qui tout le monde dresse aujourd'hui des statues, se cachait en Hollande. Spinoza a failli être lapidé par les juifs de la synagogue. Quelconque, ayant cherché la vérité, a voulu parler haut et librement, a été persécuté ou mis à mort. Voltaire, plus fin, plus riche et plus puissant que tous les autres, a passé un an à la Bastille et 30 ans en exil. Que veut dire cela, sinon que les hommes haïssent la vérité et que, suivant le mot de Bernardin de Saint-Pierre, elle est faite que par les brames et ne doit être communiquée qu'aux brames. Ainsi fais-je, et par la précaution que j'ai prise de ne me brouiller jamais avec les puissants et de louer tout le monde en temps utile, j'ai acquis cette légitime popularité et cette douce sécurité dont vous me voyez jouir aujourd'hui. Me blâmerez-vous d'avoir préféré mon propre bonheur à la gloire d'enseigner au genre humain 2 ou 3 vérités inutiles à son existence et qu'il découvrira fort bien sans moi? Réfléchissez, mon cher ami, que nul n'est obligé de se sacrifier à son semblable et que c'est bien assez de ne lui faire aucun mal. Réfléchissez de plus que si je n'ai pas dit ma pensée tout entière en toute chose, j'en ai dit assez pour que les gens intelligents soupçonnent le reste. Hegel, dont je vous parlais tout à l'heure, était certainement un grand esprit et un merveilleux philosophe. Eh bien, voyez comme il a su éviter la prison, l'échafaud, l'amende et tous les écueils où les autres philosophes vont se casser la tête. Quand il est mort, les rois le regardaient comme leur ami le plus cher, les peuples comme leur prophète, et tout le monde comme un demi-dieu, moi-même, qui l'ai connu dans ma jeunesse, et qui ai reçu ses leçons, je le considère comme le sage le plus vraiment sage qui ait jamais paru sur la terre, car sa réputation est sans égale. Il a vécu parfaitement heureux, du moins si sa digestion était régulière, ce que j'ignore, et il a manœuvré si habilement qu'aujourd'hui même encore nous ignorons quelle était sa pensée intime et même s'il avait une pensée. Que ceci, mon cher Gaston Phébus, vous serve d'exemple et de leçon. Un philosophe ne doit jamais s'expliquer trop clairement, ni se brouiller avec qui que ce soit. Le clergé seul excepté, qui a en horreur toute espèce de philosophie. Encore ne faut-il pas braver nos seigneurs les évêques, ni engager avec eux aucune espèce de polémique. La polémique est le défaut des jeunes gens. On sent sa force, on croit tenir la vérité, on veut parler, on crie sur les toits, on est insulté. Si l'on répond, on a contre soi tout le monde et surtout les gouvernements. Ceux qui gouvernent veulent bien tenir le clergé en haleine, mais ils ne veulent pas s'en faire un ennemi, car il ne pardonne jamais, il n'oublie jamais, il a le bras long et il est éternel. Si j'ai parlé aujourd'hui de la diversité des races humaines, et si j'ai osé contredire publiquement la Bible, c'est que, grâce à quelques circonstances que vous connaissez aussi bien que moi, le gouvernement est forcé de faire volte-face, ce qui me permet d'écrire la moitié de ce que je pense sur ce sujet. D'ailleurs, il est des jours dans la vie où l'audace est aussi de la prudence. Mes électeurs, je le sais, commencent à se lasser de certaines choses. Et comment ne s'en lasserait-il pas, puisque le gouvernant lui-même en est fatigué? On avait cru se servir du clergé. Il se trouve qu'on l'a servi et qu'il se croit aujourd'hui assez puissant pour être ingrat. Quant à moi, Dieu sait ce qu'il m'en a coûté pour vivre en paix jusqu'à présent avec ses maîtres exigeants. Mais puisque l'Empire va leur échapper, je profite de l'occasion pour dire enfin ma pensée tout entière. « Mais, lui dis-je en l'interrompant, ne craignez-vous pas de vous contredire ?»« Moi ? » répondit-il. « Jamais. Je n'ai jamais dit le contraire de ma pensée. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais flatté ceux que je haïssais au fond du cœur. J'ai gardé le silence, voilà tout. Ouvrez tous mes livres. Vous n'y verrez pas un seul mot pour ou contre le clergé. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que le moment est venu, que la France a soif de vérité, et que la faveur publique est avec les premiers qui oseront engager la lutte. Je sais de bonne part qu'on me reproche certaines complaisances pour les puissants. Le reproche peut me nuire auprès du public. Mais les injures de la Quarterly Review, qui retrouveront bientôt un écho dans les journaux catholiques de France, car les dévots de toutes les sectes s'entendent toujours contre les libres penseurs, vont me refaire une popularité. Avant peu, il ne sera question que de mon livre. Et alors, qui sait où le destin peut me pousser? Dans un pays où tout homme qui sait écrire, parler et oser devient ministre à son tour, quelle porte me sera fermée? Au moins, lui dis-je en riant, si jamais vous redevenez ministre, ne m'oubliez pas. Je vous le promets, mon cher Cahorzac, me dit le grand homme en me tendant affectueusement la main. Je crus le moment favorable pour insinuer une autre demande plus sérieuse et qui me tenait beaucoup plus à cœur. Il s'agissait d'augmenter mes appointements de secrétaire. Dès les premiers mots, il fronça les sourcils et parut vivement contrarié. Mon cher ami, répliqua-t-il enfin, « votre demande arrive mal à propos, je ne suis pas en fond ces jours-ci. »« Ni moi non plus, » dis-je à mon tour. « Oui, mon cher, je vous crois, mais vous, c'est différent, vous êtes jeune, vous avez une bonne santé, un esprit remarquable, un bel avenir vous attend. Pourquoi voulez-vous violenter la fortune ? Les jeunes gens sont impatients, ils veulent toujours avoir du premier coup l'empire du monde, c'est une faute, l'empire est au flegmatique. Et à quoi vous servirait d'être riche ? Vous voudriez jouir de la vie sensuelle, avoir des chevaux, des maîtresses, dîner au boulevard. À quoi bon? Vous aurez tout cela plus tard. Et vous savez attendre. Aujourd'hui, il faut travailler, vous faire connaître. Entre 20 et 30 ans, un homme intelligent ne devrait connaître que les greniers, le pain sec et l'eau fraîche. Voyez Fichte, le célèbre Gottlieb Fichte. À 30 ans, il donnait des leçons de philosophie à 5 sous le cachet. Encore n'en avait-il pas tous les jours. Homère a mendié toute la vie. Socrate vivait de pain, de figues et d'olives. Moi-même, voyez mon déjeuner, tantôt des saucisses et tantôt des côtelettes. Les pommes de terre frites sont réservées pour le jour où j'invite mes amis. Quel luxe voyez-vous ici? Excepté ma bibliothèque, pour laquelle je fais des folies, tout mon mobilier est celui d'un étudiant. Et comme j'insistais en pensant à l'or et à ma mère, il se leva brusquement et me dit « Non ». « Tenez, mon cher ami, nous ne pourrons pas nous entendre. Ne pensons plus à cela, et surtout n'en parlons jamais si vous ne voulez pas que nous soyons forcés de nous séparer. » Ce dernier mot fut dit d'un tel ton que je me levai moi-même pour prendre congé. Il s'aperçut qu'il était allé trop loin, et comme il était grand comédien, il s'écria d'un ton pathétique. « Quelle ingratitude ! Me faire une telle demande juste au moment où je pensais à faire sa fortune. Car enfin, je peux vous le dire à présent. » Dans la préface de la seconde édition de mon livre, qui va bientôt paraître, comme vous savez, je vous réservais une place d'honneur, et je comptais dire publiquement ce que je dois à vos recherches, à votre amitié. toutes les idées précieuses que votre jeune et vif esprit m'a suggérées. Je voulais faire mieux, car j'ai foi dans votre avenir. Je voulais vous recommander à l'éditeur Chardin. Et votre fortune eût été faite dès ce moment, car outre que le succès d'un livre dont il se charge et dont j'aurais fait l'introduction, c'est une surprise que je vous réservais. Et chose assurée, je voulais, à la première vacance, vous proposer au Collège de France pour suppléant de la chaire de littérature syriaque. Le titulaire a 70 ans. C'est un Polonais, qui n'a jamais su le français, ni aucune autre langue, je crois. Il n'a même plus de dents et avale en faisant son cours la moitié de ses paroles. C'était chose certaine. J'avais la parole du ministre. Et voilà que pour une misérable somme de 300 ou 400 francs, vous détruisez de vos propres mains un édifice que j'avais construit avec tant de peine. Ingrat. Quel âge avez-vous, Gaston Phoebus? 21 ans, 22 peut-être. À peine si l'on distingue vos premiers poils de barbe. Eh bien, à 25 ans, vous auriez été célèbre, décoré, riche, puisque vous tenez tant à l'argent, professeur au Collège de France, et votre fortune aurait été aussi assurée que celle de Bonaparte lorsqu'on lui donna le commandement de l'armée d'Italie. Mais vous préférez les gros sous. Grand bien vous fasse. Pendant ce discours, qui fut débité tout d'une haleine et d'un air de sincérité parfaite, je demeurais incertain, car bien que je connusse à fond le grand homme, et que je ne fisse pas de ses promesses plus de cas qu'il ne convenait, c'était toujours une résolution fort grave que de rompre avec lui. Et je n'osais prendre sur moi d'en finir avant d'avoir consulté ma mère et Laure. Il s'aperçut que j'hésitais, et pour achever sa victoire, il me dit négligemment « Allons, mon cher ami, qu'il ne soit plus question d'argent entre nous, et fiez-vous à moi pour prendre soin de votre avenir. À propos, demain vous m'apporterez le livre de Raour sur les migrations des Tartares. Il faudra nous mettre à l'ouvrage de bonne heure, car nous avons perdu beaucoup de temps aujourd'hui, et il ne nous reste qu'une demi-heure pour courir à la bibliothèque Mazarine avant qu'on en ferme les portes. » Je sortis sans répliquer, me réservant de réfléchir au parti que je devais prendre.